Thank you. aussi. Ne plus se parler, ils appellent ça démocratie. Quelle femme de taré, 200 ans d'oligarchie. Et moi, comme un vieux singe, j'observe des dupes. Que vos grimaces, c'est votre linge. Et que votre savoir est réduit. Je suis un animal. We'll be right back. Thank you.